C'est maintenant le plus dur. Aujourd'hui, tout a changé. Y a rien qui bouge. J'attends que ça se passe comme tout le monde. Même pas moyen de manger correctement. Le jour où je suis arrivé ici, j'ai commandé des fettuccine et sauce marinara, j'ai eu des nouilles au ketchup. Je suis un quelconque minable. Je vais finir ma vie dans la peau d'un plouc.